Activité 14. 1. Mesdames, messieurs, le film commence. Il y a 16 places. 16 places seulement. Monsieur, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, oui. 8, 9, 10... Allez-y, madame. 11, 12, 13, 14, oui. 15, 16... Stop, c'est complet. Désolé, prochaine séance à 18h.